الحمد لله بسم الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 68 dans l'explication du livre Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. Le Cheikh Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, hafadahullah ta'ala. On continue à l'endroit où on s'est arrêté hier. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit: wa bil jumlati ittafaqat tawa'if as-sunnati wash-shi'ati 'ala anna afdal hadhihi al-umma ba'da nabiyha wahidun min al-khulafa wa la yakunu ba'da as-sahabati afdalu min as-sahaba. Donc, le Cheikh ici, il explique, Ibn Taymiyyah, que de façon générale, les groupes, il dit les groupes des gens de la Sunna, ainsi que les Shia, se sont mis d'accord sur un point. On sait que les gens de la Sunna et les Shia sont en désaccord sur des fondements dans la religion. Mais sur un point, ils sont d'accord, c'est que ils sont d'accord sur le fait de dire que le meilleur de cette umma après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un d'entre les khulafa. Bien entendu, Ahl al-Sunnah wal Jama'a, ils disent que c'est Abu Bakr, tandis que les Shia, eux, ils disent que c'est Ali radiyallahu anhu wa radiyallahu anhuma. Et donc ça, c'est un exemple que le Cheikh explique pour dire que c'est pour les gens de la Sunna, c'est Abu Bakr, ensuite c'est Omar, ensuite c'est Uthman, et ensuite c'est Ali, et pour les Shia, c'est Ali, le meilleur de la Umma. Donc ça reste que pour les deux groupes, c'est quand même un d'entre les Khulafa Ar-Rashidin qui est le meilleur de cette Umma. Cheikh Al-Fawzan, il dit: ولكن الشيعة يقولون علي هو أفضل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل السنة يقولون أبو بكر وأبو بكر وعلي كلاهما من الخلفاء الأربعة. Donc le Cheikh, il dit, les Shia, ils disent Ali, il est meilleur après le messager, et Ahlus Sunna disent Abu Bakr, et Abu Bakr et Ali, les deux sont parmi les khulafa, comme j'ai expliqué. Après, le Cheikh, il dit: ولكن لا يكون بعد الصحابة أفضل من الصحابة. Il dit, mais par contre, après les sahaba, il n'y a personne qui est meilleur que les sahaba. Donc, après les sahaba, il n'y a personne, peu importe qui il est, qui sera meilleur que les sahaba. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit ici par rapport à ça: هذه قاعدة لا يكون بعد الصحابة رضي الله عنهم أفضل من الصحابة أبدا مهما بلغ من العلم والفضل فإنه لا يصل إلى مرتبة الصحابة رضي الله عنهم لأن الصحابة رضي الله عنهم يمتازون بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه مرتبة لا ينالها غيرهم أما من جاء بعدهم فإن كان لهم فضل وعلم وعمل لكن يفقد صفة الصحبة للرسول صلى الله عليه وسلم فهم أفضل القرون. Donc le Cheikh, il explique que c'est une règle dans la religion que personne après les Sahaba sera jamais meilleur que les Sahaba. Peu importe ce qu'il a atteint comme degré dans la science ou dans le mérite, il n'arrivera jamais au degré des Sahaba radiyallahu anhum, parce que les Sahaba radiyallahu anhum ont la particularité d'avoir été les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'avoir ce degré d'être compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce degré là personne ne peut l'atteindre parmi ceux qui viennent après eux. Personne ne peut atteindre le degré des Sahaba après les Sahaba. Donc si quelqu'un, par exemple, après les Sahaba, a du mérite, a de la science, Hein, fait des bonnes œuvres. Donc il peut avoir un degré élevé, mais il lui manque la suhba, il lui manque le fait d'être un compagnon, donc il n'aura jamais ce degré-là. Il ne pourra jamais être au degré des sahaba. Donc les sahaba sont le meilleur, hein, les meilleurs. Et après les sahaba, il n'y aura jamais personne dans la umma qui sera à leur niveau ou équivalent à eux, et encore moins meilleur que eux. Donc ça, ça réfute clairement les soufis, hein, qui prétendent que yani, il y a des awliya qui viennent après et qui sont meilleurs que les sahaba, ou qui sont les meilleurs des awliya, hein, ou même certains vont même jusqu'à dire, comme le cheikh l'a expliqué, que certains d'entre eux prétendent même être meilleurs que les prophètes. Donc celui qui dit qu'il est meilleur que les prophètes, on voit clairement à quel point il est égaré. Si on a déjà expliqué que personne peut être meilleur que les sahaba, alors comment quelqu'un pourrait-il imaginer qu'il peut être meilleur que les prophètes s'il ne peut pas être meilleur que les sahaba, hein? Et donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans les écrits des soufis, hein, lorsqu'ils parlent de leur shuyur, lorsqu'ils parlent de leur awliya, lorsqu'ils parlent des qutb, hein. Ils disent al-maktoum, le qutb qui est caché, hein, ou des trucs comme ça. Donc quand ils parlent de ces exemples-là, comme par exemple, je lisais l'autre jour une parole des Tijaniya, hein, quand ils parlaient de Ahmed Tijan, il disait que c'est le sceau des awliya, hein, celui qui est venu sceller al-wilaya, qui est le dernier des awliya, puis il dit que par conséquent c'est lui le meilleur, hein. Et donc quand je suis retourné dans leur site pour voir la définition qu'ils donnent au pôle caché, donc ils ont dit par rapport au pôle ou au qutb, ils disent dans la hiérarchie de la sainteté, c'est l'échelon le plus élevé. Ils sont 14, hein, 14 dont les 7 sont appelés Aqtab, et 7 autres Mafatih al-Kunuz, hein, les détenteurs des clés, des trésors divins, hein, selon les enseignements de Ad-Dabbar. Ad-Dabbar qui a écrit un livre qui s'appelle Al-Ibriz, et dedans il y a toutes sortes d'égarements et de sottises et de délires complètement, subhanallah, complètement déviés. Et c'est lui qu'ils prennent comme référence, imaginez. Il dit, sous la signature de son disciple Ahmad ibn Mubarak. Après il dit, et il parle de leur cheikh, il dit, le fondateur de la Tijaniya est désigné sous le titre de Qutbul Maktoum, ou de pôle caché. Et il explique qu'est-ce que ça veut dire. Il dit, en ce sens qu'il lui a été conféré par Allah la station la plus élevée, dont les attributions ne sont connues que du prophète et d'Allah. Hein? Allahul Musta'an. Il dit, et aussi, il est Qutbul Makhtoum. Il est Qutbul Makhtoum, c'est-à-dire, il est le Qutb du sceau de la sainteté. Il dit, parce qu'il est aussi le sceau de la sainteté mohammedienne. Ce qui signifie, et là il l'explique, il dit, ce qui signifie que toute éternité, hein, que de toute éternité, tous les saints sont sous sa coupe. Subhanallah. Et il dit, mes deux pieds, ça c'est Ahmed Tijan qui dit ça, mes deux pieds que voici sont sous l'enclure de tous les saints, sont sur l'enclure de tous les saints. Mes deux pieds sont sur l'enclure de tous les saints. C'est comme ça qu'il dit, subhanallah, l'enclure des awliya. Après il dit, depuis notre ancêtre Adam jusqu'au jour où l'on soufflera dans les trompes. Donc ça veut dire que pour lui, hein, il est au-dessus de tous les awliya depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire qu'il considère qu'il est meilleur que tous les awliya dans le monde, meilleur que les sahaba, par conséquent meilleur que les sahaba, hein, et comme on l'a expliqué, même meilleur pour eux, selon eux, meilleur que les prophètes. Allah al-musta'an. Et il dit, le chef des walis de chaque époque est appelé Qutbul Aqtab, le pôle des pôles. Ou bien on l'appelle Sahibul Waqt, le maître de l'heure ou de le maître du temps. On l'appelle aussi Al-Qutbul Fardul Jami', le pôle singulier intégrant. C'est comme ça qu'ils le traduisent. Et il dit, il est obligatoirement Tijani. C'est-à-dire, il doit être obligatoirement sur la tariqa tijaniya. Donc, c'est terrible. Comment quelqu'un peut dire ça? On sait que Ahmed Tijani, il est né, ou il est mort environ vers 1800. On dit même de cette tariqa que c'est une des plus jeunes parmi les turuq. Donc, ils disent maintenant que tous les awliya, tous ceux qui sont les maîtres du le pôle des pôles doivent être Tijan. Après il dit, et c'est un privilège de la voie, hein, de la tariqa, d'après les initiés. Et il cite des exemples. Al-Hajj Omar al-Fouti, celui qui a propagé la tariqa soufia des Tijaniya en Afrique de l'Ouest. Hein, il a combattu les autres turuq, hein, de son époque en Afrique de l'Ouest pour établir la tariqa Tijaniya, et ça c'était le successeur de Ahmed Tijan qui lui avait ordonné cette mission, ou qui lui avait donné cette mission là d'aller en Afrique de l'Ouest pour établir cette tariqa. Donc il a combattu les autres soufis, hein, les autres turuq soufia, et il a combattu également, hein, des animistes pour installer sa tariqa. Donc remplacer une bid'a par une autre, et remplacer le shirk par une autre, par une autre forme de shirk. Et après il dit, hein, Al-Hajj Malik et Sering Babakar et Al-Hajj Abdul Aziz Si. Il dit, ils ont chacun occupé cette station. Ils ont tous occupé cette station de Qutb al-Qutb. Allahu musta'an. Ensuite, ils ont mis une remarque en dessous. Ils ont dit les paroles de Cheikh Ahmed Tijan. Hein, il dit, aucun wali ne les a jamais contredites. Subhanallah. Et son statut de chef des walis de tous les temps n'a jamais été remis en cause par aucun saint, y compris ceux qui ne sont pas de sa tariqa. Donc ça, c'est vraiment ridicule, hein, de dire ce genre de choses, parce qu'on sait que il est venu après toutes les autres turuq, ça c'est de un, et en même temps il est venu, et déjà de dire qu'il est le dernier des awliya, on a expliqué que le wali c'est celui qui est mu'min et qui a la taqwa, et tous les croyants donc ont une part de wilaya. Donc de prétendre qu'il n'y a plus de awliya, ou que c'est lui le dernier des awliya, qu'il n'y en a plus d'autres, ça voudrait dire qu'il n'y a plus de musulmans sur terre, hein. Donc déjà c'est une fausse conception de la réalité de ce que signifie un wali, et en même temps ça implique qu'il serait meilleur même que les sahaba et que les prophètes. Ça c'est clair que c'est de l'égarement. Après Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, donc on continue, il dit وَأَفْضَلُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى أَعْظَمُهُمْ مَعْرِفَةً بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم واتباعا له كالصحابة الذين هم أكمل الأمة في معرفة دينه واتباعه وأبو بكر الصديق رضي الله عنه أكمل معرفة بما جاء به وعملا به فهو أفضل أولياء الله. Donc le cheikh dit, le meilleur des awliya d'Allah, hein, ou les meilleurs parmi les awliya d'Allah, c'est ceux qui ont la plus grande connaissance de ce qui a été ramené par le prophète, le messager sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ceux également qui l'ont suivi le plus. Hein? Donc ceux qui ont plus de connaissances de sa sunna, de ce qu'il a ramené, de sa religion, et qui l'ont suivi plus que les autres. Donc plus tu le suis, plus tu es yani meilleur. Et le cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire par rapport à ça et il dit: أفضل الأولياء أعظمهم معرفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأعظمهم اتباعا له هذا هو أفضل الأولياء لا كما تقول الصوفية أفضل الأولياء خاتم الأولياء وبعضهم يقول خاتم الأولياء أفضل من الرسل donc le cheikh il dit le meilleur des awliya, hein, le meilleur des awliya, c'est ceux qui ont la plus grande part de connaissance de ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a amené et qui a suivi le plus le messager sallallahu alayhi wa sallam, et non pas celui qui fait des innovations et des bid'ah, hein, et qui contredit sa sunna et qui prétend être sur la sunna, comme les soufis par exemple. Et donc le cheikh il dit: هذا هو أفضل الأولياء. Donc le meilleur des أولياء, c'est celui qui a plus de connaissances de la sunna et qui l'applique et qui la suit le plus. Et non pas comme le disent les soufis, hein, comme qu'est-ce qu'on vient de lire dans la parole des Tijaniyah et des autres turq soufis aussi, que le meilleur des أولياء c'est le dernier des أولياء, hein. Et certains d'entre eux vont dire même que le dernier des أولياء il est meilleur que les prophètes et les messagers. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, à la suite de qu'est-ce qu'il a expliqué, il dit les Sahaba, c'est-à-dire ceux qui, donc les Sahaba, ce sont eux qui ont parmi les musulmans de la Ummah la plus grande et la plus complète connaissance de la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est eux qui ont le suivi le plus complet du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a personne qui connaît mieux la religion du messager sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que qu'il y a personne qui l'a mieux suivi que les sahaba. Et celui parmi les sahaba qui l'a mieux connu et qui l'a mieux suivi, hein, de manière plus complète et plus d'une connaissance plus complète et d'une manière plus complète dans son suivi, c'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Donc c'est lui le meilleur des awliya, hein, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si quelqu'un vient par exemple comme ces gens-là de la tariqa tijaniya ou des turq soufis autres, hein, parmi les différents turq, et qui prétendent qu'ils sont les derniers awliya, puis qui prétendent que leur cheikh est le qutb al-aqtab, le pôle caché ou le pôle des pôles, et qu'il est meilleur que les awliya de tous les temps, eh bien ça c'est de l'égarement total et c'est un grand mensonge. C'est des grands blasphèmes, c'est de la mécréance, c'est de l'égarement total. Allah al-Musta'an. Donc le cheikh il dit, Cheikh al-Fawzan à propos de ce point-là, il dit: wa Abu Bakr radiyallahu anhu lazama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam min bi'athatihi ila wafatihi wa anfaqa ma lahu fi sabilillah حتى إنه لا يدخر لنفسه شيئا بل ينفق ما له وما وصل إليه من المال في سبيل الله ودخل معه الغار وهاجر معه رضي الله عنه ولما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وحصل للمسلمين هذا الارتجاج بسبب عظم المصيبة ثبت أبو بكر رضي الله عنه وثبتهم على هذه المصيبة واحتساب الأجر وعدم الجزع وثبتهم رضي الله عنه وخطب فيهم حتى أن عمر رضي الله عنه أقر له في هذا الموقف المخيف ثم لما ارتدت العرب وهو الذي وقف رضي الله عنه حتى ثبت الله به الإسلام وكان الصحابة يلومونه يقولون كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وإن الزكاة من حقها والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم أو لقاتلتهم على منعها فبذلك وطد الله الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وهزم المرتدين والمنافقين وثبت الله الإسلام بأبي بكر رضي الله عنه فهذه مواقف عظيمة مواقف الجبال الرواسي عند الشدائد لم يقفها إلا أبو بكر لقوة إيمانه وصدق يقينه رضي الله عنه وصبره على المحن والمصائب حتى في الحديبية لما استشكل الصحابة الصلح حتى أن عمر ذهب إلى أبي بكر قال له يا أبا بكر أوليس برسول الله صلى الله عليه وسلم أولسنا بالمسلمين أوليس المشركين قال بلى قال فعلى ما نعطي الذلة في ديننا فقال أبو بكر يا عمر إلزم غرزه حيث كان فإني أشهد أنه رسول الله قال عمر وأنا أشهد فهذا موقف أبي بكر أيضا من صلح الحديبية لم يحصل عنده أي تردد أو أي إشكال لقوة إيمانه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يمكن أن يقدم على شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى فلا اعتراض أبدا ولا استشكال. Donc pour expliquer ce passage qu'on a lu maintenant, c'est un résumé en fait de qu'est-ce qu'on a lu dans les passages précédents à propos de Abu Bakr radiallahu anhu. Le cheikh il explique que Abu Bakr radiallahu anhu, il a été le compagnon du messager sallallahu alayhi wa sallam, il est resté il était toujours en sa compagnie, il restait tout le temps avec lui depuis qu'il est devenu messager et prophète jusqu'à sa mort, hein, radiyallahu anhu wa sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Abu Bakr, il a dépensé de ses biens dans le sentier d'Allah, il n'a rien gardé pour lui-même. Tout ce qu'il avait, il l'a dépensé pour Allah et son messager. Et il n'a rien gardé. Il a laissé tout dans le sentier d'Allah. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra vers Médine, eh bien celui qui l'a accompagné, c'était Abu Bakr radiallahu anhu. Il était avec lui dans la grotte. Hein? Lorsqu'il est mort, il y a eu une grande tristesse et une grande épreuve chez les musulmans. Les musulmans ont été grandement secoués par ce malheur. Mais Abu Bakr radiallahu anhu est resté ferme lors de cette épreuve et il a cherché la récompense d'Allah, il ne s'est pas plaint et il est resté ferme et il s'est adressé aux musulmans. Hein? Même Omar radiallahu anhu a affirmé et déclaré, hein, que Abu Bakr, c'est lui qui était resté ferme durant cette situation-là et dans cet événement-là. Parce que c'était une situation très, très effrayante, très difficile, hein. Mais Abu Bakr, radiallahu anhu, est resté ferme. Il a dit sa parole célèbre, hein, celui qui adorait Muhammad, alors Muhammad est mort. Et celui qui adorait Allah, alors il est vivant et il ne meurt pas. Et ensuite, le cheikh il explique que les sahaba, alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, ensuite il explique que les sahaba, lorsque les arabes ont commencé à apostasier et abandonner la religion, Abu Bakr est resté également ferme à ce moment-là. Et c'est par lui que Allah subhanahu wa ta'ala a établi la religion encore plus. Parce que certains d'entre les compagnons le blâmaient de vouloir combattre ceux qui avaient apostasié de l'islam et qui refusaient de payer la zakat. Alors Abu Bakr a dit, comment je ne vais pas les combattre, hein? Et les sahab, certains d'entre les sahabas lui disaient, mais non, tu ne peux pas les combattre. Ils disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et Abu Bakr radiallahu anhu a dit, par Allah, je vais combattre quiconque distingue ou fait une distinction entre la salat et la zakat, hein? Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit cette parole, il sera protégé contre moi dans son bien et dans sa personne, excepté pour un de ses droits. Et il dit, n'est-ce pas que la zakat est un de ses droits? Il dit, par Allah, je jure que s'il refuse de me donner une corde ou quelque chose qu'on utilise pour attacher le chameau, alors qu'il le donnait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien je vais les combattre pour l'avoir, pour ne pas l'avoir donné. Et à cause de ça, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala a raffermi l'islam et gardé l'islam en force après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les apostats et les hypocrites ont été vaincus et l'islam est resté ferme, est resté ferme avec les positions de Abu Bakr radiallahu anhu, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a raffermi l'islam par Abu Bakr. Et il dit que ce sont dans ces différentes positions dans lesquelles Abu Bakr est resté ferme comme une montagne lors de ces difficultés-là et lors de ces épreuves difficiles. Personne n'avait adopté ces positions excepté Abu Bakr radiallahu anhu, à cause de la force de sa foi et de sa sincérité et de sa conviction radiallahu anhu. Et donc la sincérité de sa conviction, il est resté ferme, il a été endurant lors de ses épreuves et de ses malheurs, même dans l'événement qui s'était produit lors de Al-Hudaybiyah. Certains d'entre les sahaba ont été troublés ou dérangés par cette entente de paix, parce qu'il y avait dans cette entente de paix des clauses qui étaient un peu désavantageuses pour les croyants. Et certains donc n'étaient pas satisfaits de l'entente en question. Alors même que Omar ibn Khattab radiallahu anhu était allé voir Abu Bakr radiallahu anhu, il lui a dit, oh Abu Bakr, n'est-ce pas qu'il est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ne sommes-nous pas musulmans, ne sont-ils pas des mushrikines? Et Abu Bakr qui lui répond, certes, ya Omar. Alors Omar il dit, mais alors dans ce cas-là, pourquoi on est humilié dans notre religion dans ce cas-là et on accepte cette situation d'humiliation? Et Abu Bakr radiallahu anhu lui répond, oh Omar, reste accroché à sa voix, reste accroché au messager, peu importe où il est. Il dit, je témoigne qu'il est le messager d'Allah. Et Omar a dit, et je témoigne aussi. Il y a beaucoup d'autres narrations de cette histoire, même dans Al-Bukhari et dans d'autres livres. Donc c'est une position claire de la part de Abu Bakr radiallahu anhu, et à propos de cette situation, à propos de l'entente de Al-Hudaybiyah. Imaginez aujourd'hui, c'est la même chose. Beaucoup de gens, par exemple, lorsqu'il y a des situations à notre époque dans lesquelles certains dirigeants prennent des décisions qui sont parfois ou qui peuvent parfois sembler désavantageuses pour l'islam et pour les musulmans, hein, et qu'ils font des alliances ou bien qu'ils font des ententes, hein, avec des koufars, avec des pays non musulmans, et certains disent, oh mais pourquoi tel pays il fait des ententes comme ça, hein, pourquoi on accepte ça, pourquoi on accepte ça, et ils ne réalisent pas que derrière ça il y a une grande sagesse, il y a un grand bien, hein, à long terme, que ça permet, hein, à faire en sorte que beaucoup de biens, hein, puissent se propager dans la Ummah, que à cause de ça la science peut être enseignée, que les universités islamiques, hein, continuent à éduquer les jeunes de la Ummah pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui connaissent la religion d'Allah correctement et qui la propagent dans le monde, et beaucoup d'autres choses, hein, qui sont derrière ça, qui permettent aux musulmans, hein, de reprendre disons les rênes de la situation, pour essayer de se remettre en ordre et pour revenir à la religion d'Allah et pour pouvoir justement se réformer. Donc tout ça, ça amène du bien, mais certains ne voient pas ça. Ils veulent le changement tout de suite, automatique, direct, demain. Ils veulent que tout change, que tout soit parfait, hein, du jour au lendemain, et que, hein, il n'y ait plus de aucune contradiction, aucun mal, aucun péché, aucun. Et ça c'est vraiment irréaliste. Et c'est même, c'est contraire même à la sagesse des choses, comment Allah fait le changement, hein, des gens. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah, il ne va pas changer l'état d'un peuple jusqu'à ce qu'ils changent eux-mêmes ce qu'il y a en eux, hein. Les gens, ils veulent pas ça. Ils pensent qu'il faut juste changer les dirigeants. Si tu changes les dirigeants, tout va devenir parfait. Et ça, c'est parce qu'ils n'ont pas compris la sagesse d'Allah, hein, et la façon comment Allah subhanahu wa ta'ala fait les choses. Le Cheikh, il dit ensuite, donc ça c'était des positions d'Abu Bakr radiallahu anhu dans As-Sulh al-Hudaybiyah et dans les autres situations, et comment il a agi sans aucune hésitation et sans aucun problème pour lui, à cause de sa foi qui était forte, hein. Il était convaincu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et convaincu que le messager d'Allah n'allait pas faire quoi que ce soit dans la religion excepté par un ordre d'Allah, hein, subhanahu wa ta'ala. Donc il ne s'est jamais objecté au messager d'Allah, il n'a jamais trouvé de problème dans ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a pris comme position ou décision par rapport à la Ummah et à la religion. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, إذا كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم وأفضلها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه قد ظن طائفة غالطة أن خاتم الأولياء أفضل الأولياء قياسا على خاتم الأنبياء. Donc ici le cheikh, il parle de ce qu'on a mentionné tout à l'heure. Il dit, premièrement, si la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure Ummah parmi toutes les nations, c'est la meilleure. Et si parmi les gens de cette Ummah, les meilleurs sont les compagnons du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que parmi les meilleurs, parmi les compagnons, le meilleur, c'est Abu Bakr, radiallahu anhu, hein, le Cheikh, il dit, فَضَائِلُ بَعْدُهَا فَوْقَ بَعْدُ فَضَائِلُ بَعْدُهَا فَوْقَ بَعْدُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ يُعْتِي فَضْلَهُ مَنْ يَشَى تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْدُ الرُّسُلُ بَعْدُهُمْ أَفْضَلُ مِنْ بَعْدُ فَكَيْفَ بِغَيْرِهِمْ. Il dit, ça c'est des mérites, hein. Allah, il préfère certains sur d'autres. Et il donne de ses grâces à qui il veut, hein. Et il fait que certains reçoivent des grâces plus que d'autres. Et il dit, par exemple, le verset 253 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos des messagers, nous avons préféré certains au-dessus d'autres. Donc, si c'est le cas avec les messagers, que certains sont meilleurs que d'autres, alors que dire de ceux qui sont en dehors des prophètes et en dehors des messagers, hein? Et ici, le cheikh, il explique donc, hein, que certains parmi les gens ont fait l'erreur de croire que le sceau des awliya était le meilleur des awliya, par analogie avec le sceau des prophètes. C'est-à-dire, ils ont essayé de faire une analogie. Ils ont dit, puisque le dernier le sceau des prophètes, c'est le meilleur des prophètes, donc le sceau des awliya, c'est le meilleur des awliya. Hein? Le dernier des awliya, c'est le meilleur des awliya. Comment tu peux dire déjà que quelqu'un est le dernier des awliya? Hein? On va voir qu'est-ce que Cheikh Al-Fawzan il dit ici. Il dit, لَمَّا بَيَّنَ مَنْهَجَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِي الْأَوْلِيَا انْتَقَلَ إِلَى بَيَانَ مَنْهَجِ الصُّوفِيَّةِ يعني أهل الضلال في الأولياء فمنهم من يقول خاتم الأولياء وهو آخرهم أفضل من بقية الأولياء وإن كانوا أسبق منه وهذا الضلال وأشد من هذا من قالوا إن خاتم الأولياء أفضل من الرسل وهذا أشد في الكفر والعياذ بالله يقولون كما أن خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ممن سبقه من الأنبياء فكذلك خاتم الأولياء أفضل ممن سبقه من الأولياء يعني قياس باطل. الشيخ الزي الشيخ الفوزان الزي lorsque Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a expliqué la méthodologie des gens de la sunna, Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, à propos des awliya, il passe maintenant à la clarification de la méthodologie des soufis, des gens de l'égarement, à propos des awliya, et on voit que parmi eux, certains disent le sceau des awliya, c'est le dernier d'entre eux, est meilleur que tous les autres awliya, même s'ils ont vécu avant lui. Et ça, le cheikh dit, c'est de l'égarement. Et pire que ça encore, celui qui dit que le dernier des awliyas est meilleur que les messagers. Il dit ça, c'est encore plus grave dans la mécréance. Et il dit, et eux, ils disent que de la même manière que le dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est meilleur que les prophètes qui l'ont précédé, alors de la même manière, le dernier des awliyas est meilleur que les awliyas qui l'ont précédé. Mais ça, c'est une analogie qui est totalement incorrecte et fausse. نعم تفضل. Donc je sais pas, puisque tu avais pas entendu la parole que j'avais mentionnée, des paroles des soufis au sujet de leur Khatim al-Awliya et du Qutb. Yani c'est des paroles d'égarement de toute façon, tu vois. Oui, donc un autre exemple de propos par rapport à ce que j'ai lu tout à l'heure comme à propos des awliya et des pôles. Il y en a un d'entre eux aussi parmi ces gens des différentes turuq. Il dit le cheikh veut signer le cheikh à propos en parlant du cheikh Ahmed Tijan. Il dit le cheikh veut signifier que les pôles non seulement une catégorie des saints ou de saints, mais qu'ils sont les plus élevés d'entre eux. En fait, ici, c'est pas nécessairement les Tijaniya. C'est une autre tariqa, peut-être même les Qadiriya, ou je sais pas laquelle, en tout cas. Mais ils ont tous ces croyances-là. Faut pas penser que c'est les Tijaniya seulement. Toutes les Turuq Sufiya, ils ont toutes ces idées-là en eux. Et il dit donc, il parle de leur cheikh soufi, il dit, le cheikh veut signifier que les pôles, qu'ils appellent en arabe le Qutb, sont non seulement une catégorie de awliya, mais qu'ils sont les plus élevés d'entre eux et qu'ils en constituent l'élite la plus pure. Khassatul al-asfiya. Il dit, ces saints ont reçu le nom de pôle parce que les étoiles des mondes supérieurs et inférieurs gravitent autour d'eux, qui sont les pôles de leur époque, et aussi parce que le pôle est le lieu sur lequel se pose le regard du Seigneur. C'est par lui que Dieu regarde le monde, qui ne saurait sans son existence, suivre son cours normal, ni accepter le soutien divin qui assure pourtant son existence. La grâce divine ne parvient à ce monde que par l'intermédiaire du pôle. C'est pour ça que tu le vois, que tu les vois en train de toujours demander la baraka de leur awliya ou de leur cheikh. Et ils pensent que ils peuvent pas obtenir la grâce d'Allah que par leur cheikh. Hein? C'est ça leur croyance. Et ça, c'est les paroles des soufis eux-mêmes. C'est pas moi qui le dis à leur sujet, c'est dans leurs propres écrits. Hein? Donc il dit, la grâce divine ne parvient à ce monde que par l'intermédiaire du pôle. Celui-ci reçoit donc son soutien de Dieu et soutient à son tour le monde dans son ensemble. Donc c'est le pôle qui soutient le monde dans son ensemble. Hein? Il dit, celui-ci reçoit donc son soutien de Dieu et soutient à son tour le monde dans son ensemble. Le haut comme le bas, les corps comme les esprits. Il dit, le pôle possède en effet un esprit autour duquel tournent les esprits des créatures et un corps autour duquel évoluent toutes les formes, car il met les esprits en mouvement à l'aide de son propre esprit et les formes à l'aide de sa propre forme. Hein? Et qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure à propos du Qutb? Hein, si tu veux, je peux le relire encore, il n'y a pas de problème. Hein, ils disent que le Qutb dans la hiérarchie de la sainteté, c'est l'échelon le plus élevé. Ils sont 14, dont les 7 sont appelés Aqtab. Les 7 autres, Mafatih al-Kunuz, ou détenteurs des clés, hein, des trésors divins, selon les enseignements de Ad-Dabbar, l'auteur du livre Al-Ibriz, un des égarés parmi les soufis, sous la signature de son disciple Ahmad ibn Mubarak. Il dit, notre cheikh, en parlant d'Ahmad Tijan, fondateur de la Tijaniya, est désigné sous le titre de Qutbul Maktoum, ou pôle caché, en ce sens qu'il lui a été conféré par Allah la station la plus élevée dont les attributions ne sont connues que du prophète et d'Allah. Et il dit, ça c'est la Al-Katmiya. Donc il est caché. Hein? Katama, yaktumu, ça veut dire caché. Donc Al-Qutbul Maktoum, c'est le pôle qui est caché. C'est juste Allah et son messager qui savent. Hein? Qu'est-ce que ça, cette station-là? C'est la plus élevée, c'est seulement connu. Hein? Les attributions de cette position, de cette station, ne sont connues que du prophète et d'Allah. Après, il dit, et aussi, il est aussi Qutbul Makhtoum, parce qu'il est aussi le sceau de la sainteté mohammadienne. Ça, c'est un Tijani qui écrit ça. Il dit, ce qui signifie que de toute éternité, tous les saints sont sous sa coupe. Il dit, là, il cite les paroles d'Ahmed Tijani lui-même, qui a dit, mes deux pieds que voici sont sur l'encolure de tous les saints. Ses pieds sont sur l'encolure de tous les saints. Donc il est au-dessus d'eux. Ses pieds sont sur eux. Hein? Il dit, depuis notre ancêtre Adam, jusqu'au jour où l'on soufflera dans la trompe. Et il dit, ça c'est les paroles de leur cheikh. Il dit ensuite, le cheikh des walis de chaque époque est appelé Qutbul Aqtab, c'est-à-dire le pôle des pôles. Ou Sahibul Waqt, le maître de l'heure ou de l'époque. Hein? Et il dit, ou bien Qutbu Fardul Jami', le pôle singulier intégrant. Il est obligatoirement Tijan. C'est-à-dire, ce pôle-là, le chef des Awliya, il faut absolument qu'il soit Tijani. Il ne peut pas être de notre tariqa. Wa alaykum salam. Il dit, il est obligatoirement Tijan, c'est un privilège de la tariqa. Donc, ils sont privilégiés. Et ça, c'est d'après les initiés. D'après les initiés, Al-Hajj Omar Al-Fouti, Al-Hajj Malik, Sering Babakar et Al-Hajj Abdul Aziz Si. Il dit, ont chacun occupé cette station. Donc ces gens-là qu'il a mentionné, eux, ils ont tous occupé cette station-là. Et puis il fait une remarque en disant que ce que notre cheikh a dit, aucun wali n'a jamais contredit. C'est normal si c'est le dernier. Les autres qui sont venus avant, comment ils peuvent contester? Donc, ça, je l'avais dit tout à l'heure. Le Cheikh, il dit ensuite, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, وَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ مِنَ الْمَشَيْخَ الْمُتَقَدِّمِينَ بِخَاتِمِ الْأَوْلِيَا إِلَّا مُحَمَّدْ بْنُ عَلِي الْحَكِيمَ الْتِرْمِذِي. Donc il dit, parmi les anciens, Mashaykh, hein, il n'y a personne d'entre eux qui avait jamais mentionné le titre du sceau des Awliya, ou des derniers Awliya. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, il dit, Khatim al-Awliya, hada muhdath. Hein? Al-Ibad wa-Sufiya al-Awwaloun, wa-Ahlu al-Zahada wa-Nusuk, ما تكلموا بهذا وإنما تكلم بها المتأخرون من مشايخ الصوفية فابتكروا قضية خاتم الأولياء. Il dit l'idée du sceau des Aulia, c'est une chose innovée, une chose qui a été inventée. Même les premiers soufis, parmi les adorateurs et les gens du Zuhd, qui se détachait des plaisirs de la dunya ou bien de l'excès dans la dunya, et qui avait une conduite très pieuse, les premiers soufis qui n'étaient pas tombés dans tout cet extrémisme là ils n'ont jamais parlé de cette notion de sceau des awliya. C'est uniquement des soufis qui sont venus après qui ont ramené cette histoire de Khatim al-Awliya, les sceaux des Awliya, dernier des saints, ou le sceau des saints. Et il mentionne un exemple, il dit, comme par exemple, Muhammad ibn Ali al-Hakim al-Tirmidhi, qui était un parmi les soufis, c'était lui qui a ramené cette idée-là en premier. Donc il dit ici, Cheikh al-Fawzan, al-Hakim al-Tirmidhi, هذا عالم من العلماء ولكنه عنده تصوف وعنده فلسفة أيضا وله شطحات وهو مؤلف نوادر الأصول في الحديث فهو صوفي وعالم لكنه داخله شيء من الفلسفة ومن التصوف حتى صار حوله كلام في فضله وفي مكانته وهو الذي ابتكر هذه المسألة فجعل للأولياء خاتما وهو أفضلهم كما جعل الله للأنبياء خاتما وهو أفضلهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. Donc Al-Hakim al-Tirmidhi, Cheikh Al-Fawzan, c'était un savant, mais il avait du soufisme et il avait de la philosophie aussi. Il avait beaucoup d'égarements comme ça. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Nawadir al-Usul » dans le hadith. Et donc c'est un soufi, c'est un savant, il avait du savoir, mais il est rentré dans la philosophie et dans le soufisme. Jusqu'à ce que les gens commencent à parler de lui et de dire du bien de lui et de parler de son degré et de son statut. Parce que les soufis, c'est comme ça. Depuis que tu défends le soufisme, ils t'élèvent. Ils t'élèvent, ils te sanctifient, c'est comme ça. Allahumma musta'an. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et donc Cheikh il dit, et c'est lui qui a inventé cette histoire, cette affaire de Khatim al-Awliya, et qui a prétendu qu'il était le meilleur des Awliya parce que c'était le dernier, de la même manière que le meilleur des prophètes est le dernier, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فإنه صنف مصنفا غلط فيه في مواضع ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه خاتم الأولياء ومنهم من يدعي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم بالله. Donc le Cheikh il explique que ce Hakim al-Tirmidhi, il a écrit un livre Et dans ce livre, il a fait beaucoup d'erreurs dans plusieurs endroits. Puis un groupe d'entre ceux qui sont venus après, chacun d'entre eux ont commencé à se prétendre être le dernier des Awliya. Chacun a commencé à dire, c'est moi le dernier des Awliya. Hein? Et Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, لَمَّا وَجَدَتْ هَذِهِ الْوَظِيفَ كُلُّ وَحْدٍ يَدَّعِيهَا وَهِيَ أَصْلُهَا بَاطِلَةٌ أَصْلُهَا خُرَافَةٌ وَلَكِنْ صَارَ كُلُّ وَحْدٍ يَدَّعِي أَنَّهُ خَاتِمُ الْأَوْلِيَاءِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَجُوز أَنْ يَحُوز عَلَى هَذَا الْفَضْلِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَحُوز عَلَى هَذَا الْفَضْلِ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ليست للمتقدم ليست للمتقدم ولا للمتأخر وإنما هذا فضل يؤتيه الله من يشاء. Donc il dit, lorsque ils ont inventé cette nouvelle position, tout le monde essaie de la prétendre, alors qu'à la base elle est fausse, à la base c'est une invention, c'est une superstition. Mais tous les soufis ont commencé à vouloir prétendre qu'ils sont le dernier des awliya, le sceau des awliya, parce que tout le monde veut avoir ce mérite, cette grâce. Pourtant Allah subhanahu wa ta'ala, il a défini le wali, il a dit que les awliya, il a dit ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Donc les awliya, c'est ceux qui croient en Allah et qui ont at-taqwa. Donc ça n'a pas rapport avec le premier ou le dernier. Ça, c'est une grâce que Allah donne à qui il veut. Puis le shaykh, il dit, et parmi eux, il y en a qui ont prétendu que le dernier ou le sceau des awliya était meilleur que le dernier des prophètes sur le plan de la science, la connaissance d'Allah. Donc on voit ici l'égarement. Le shaykh, il dit, « هذه المشكلة »« هذا أعظم ضلالا »« بل هذا كفر بالله » نسأل الله العافية ولكن الذي فتح هذا الباب هو الحكيم الترمذي لأنهم يقولون إنه يأخذ عن الله مباشرة بخلاف الأنبياء فإنهم يأخذون عن الله بواسطة الملك أما الأولياء فهم يجالسون الله والله يعلمهم فهم يتعلمون على الله انظروا الضلال أين يصل بالإنسان. Donc le cheikh il dit, c'est ça le problème ici. Ça, c'est encore plus une plus grande égarement. C'est même du kufr. C'est le rejet de la foi en Allah, que Allah nous préserve. Donc, ceux qui ont ouvert cette porte, celui qui a ouvert cette porte, c'était Al-Hakim al-Tirmidhi, avec cette idée de Khatim al-Awliya. Et donc, eux, ils ont dit, étant donné que il prend directement, parce qu'ils disent que le wali, il prend directement d'Allah. Contrairement aux prophètes, les prophètes, eux, ils prennent par l'intermédiaire de l'ange, tandis que les awliya, ils s'assoient avec Allah directement, ils apprennent directement d'Allah, ils n'ont pas besoin de prophètes, ils n'ont pas besoin d'anges, donc ils sont meilleurs que les awliya, meilleurs que les anbiya, que les prophètes. Et donc le cheikh dit, regardez, quand l'égarement prend une personne, comment il peut l'égarer. Ok, donc nous, on va s'arrêter ici. Il dit, وقال عبد الرحمن السلمي أخرج الحكيم من ترمذ وشهد عليه بالكفر وذلك بسبب تصنيفه كتاب ختم الولاية وكتاب علل الشريعة وقالوا إنه يقول إن للأولياء خاتما كالأنبياء لهم خاتم وإنه يفضل الولاية على النبوة واحتج بحديث يغبطهم النبيون والشهداء فقدم بلخ فقبلوه لموافقته لهم في المذهب. Donc il dit, Abu Abd al-Rahman al-Sulami, il dit que Al-Hakim al-Tirmidhi, ça c'est pas al-Tirmidhi celui qui a écrit al-Jami' al-Sunan, c'est un autre Tirmidh, à la base c'est une ville, donc toute personne qui vient de Tirmidh, on l'appelle Tirmidhi. D'accord? Donc lui c'est Muhammad ibn Ali al-Hakim. Donc lui, Abu Abd al-Rahman al-Sulami a dit à son sujet qu'il a été expulsé de la ville de Tirmidh. Et ils l'ont même témoigné Ils nous ont même témoigné contre lui par rapport au kufr qu'il a enseigné. Et il avait écrit un livre qui s'appelle Khatm al-Wilaya, hein, le sceau de la wilaya, de la sainteté. Et un autre livre aussi. Et ils ont dit qu'ils prétendaient que les awliya, le dernier des awliya ou le sceau des awliya, était comme le sceau des prophètes. Hein, que les awliya avaient un sceau de la même manière que les prophètes avaient un sceau. Et ils préfèrent même les awliya aux prophètes. Et donc, ils l'ont expulsé. Et quand il est arrivé à la ville de Balkh, ils l'ont accepté parce qu'ils étaient d'accord avec lui dans sa voie. Donc, ils étaient dans le même égarement que lui. Et après, donc, on va s'arrêter ici. Au prochain cours, on verra que, demain, Inch'Allah, on verra qu'il y a d'autres soufis également qui ont enseigné cette idée de Khatm al-Wilaya, comme par exemple Ibn Arabi. Hein, on va voir qui il est et c'est quoi ses égarements. Et beaucoup d'entre les soufis se réfèrent à lui justement par rapport à cette idée-là. Puis on va voir aussi d'autres exemples à ce sujet. Donc on s'arrête ici. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.